Tokyo Mental est une émission produite sur un coin de table. Un ordinateur portable pas tout jeune, un casque audio de bonne qualité et un petit sampleur de chez Roland. Pour le reste, je travaille de manière totalement analogique avec d'un côté un paquet de cahiers et de l'autre un paquet de stylos. J'écris beaucoup, j'écoute beaucoup. Je cherche des concordances sonores, des motifs qui m'émeuvent à un moment M. Je regarde le monde des oiseaux depuis mon balcon et je bois du café. YouTube est mon fournisseur de matière sonore. Cette plateforme centralise l'essentiel de tout ce que l'humanité produit en matière de vidéo et de musique. Pas juste les courants tendances du moment et les professionnels de la profession. Tout le monde. Et c'est ce qui la rend aussi intéressante pour mon travail. Je peux y trouver des chaînes et des playlists composées de titres qui ne sont plus édités depuis longtemps. Je peux trouver des émissions de radio qui n'ont jamais été archivées ailleurs que sur les cassettes de leurs auditeurs. Des discothèques complètes de vinyles ripés par des passionnés. J'y trouve aussi des reprises, des remixes amateurs, des extraits de films, des fan-films, des compilations de scènes cultes, des bandes-annonces dans toutes sortes de langues, des émissions de télévision de différents pays, des artistes autoproduits, des éditions rares d'enregistrements japonais, très très recherchés par les collectionneurs, ça coûte les yeux de la tête, des mix de DJ, des performances de toutes sortes, des films qui ne sont plus édités nulle part, même sur les plateformes pirates. Sur YouTube, il y a énormément de choses en plus qui sont totalement improbables. Je fais des choix. J'entre des commandes dans un terminal, je rip des fichiers audio, je découpe, je mixe, je filtre, je redécoupe, je sample à la volée et je surmixe le tout. Jusqu'à ce que ça prenne la forme sonore que j'ai dans ma tête. Je travaille rapidement et de manière à garder de côté le côté spontané et bricolé. J'accepte une marge d'erreur. C'est ma recette de cuisine. D'ailleurs, je cuisine aussi comme ça. Au moment où j'écris ces mots, j'écoute Sonokino. Une émission thématique diffusée aussi sur Radio Pulsar. Une émission qui mixe de la musique de film. Tous les mercredis à partir de 23h. J'apprécie beaucoup cette émission qui, au contraire de la mienne, a un rendu très hi-fi dans sa forme. Très propre, très structuré. Très confortable à écouter sur toutes sortes de matériel. Documental, ça ressemble plus à quelque chose qui émerge du chaos, quand on commence à séparer le bruit de fond de tout ce qu'il y a derrière. C'est bordélique, c'est approximatif. C'est une approche très intuitive de l'émission de radio. C'est l'émission que j'aurais envie d'entendre si elle était faite par quelqu'un d'autre. J'aime le son quand il est rugueux, les textures granuleuses, j'aime ce qui sonne étrange. J'aime la déstructuration. J'aime la destruction. Les mélanges improbables. Les mélanges qui surprennent, les boucles qui tournent sur trois pattes. J'aime sculpter la matière sonore à la main plutôt qu'à coup de logiciel. Mais revenons à Sonokino. Au moment où j'écris ces mots toujours, j'écoute l'émission consacrée à Julie Cruz, dont la voix diaphane a le don de mettre mon cerveau en mode alpha. Julie Cruz, c'est cette artiste qui chante Falling, le thème d'une des séries les plus importantes du XXe siècle, Twin Peaks, de David Lynch. Elle a quitté le monde phénoménal le 9 juin dernier à l'âge de 65 ans. Elle était jeune. Mais sa voix restera écoutable tant que le monde saura produire de l'électricité. Après, il faudra compter sur la mémoire des humains. Mais écoutons Julie Cruz. Waldoka, si tu passes par hasard par là, merci pour ton émission. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue Audionaute, vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores, petit engrenage organique d'une horloge de la taille d'un univers. Vous écoutez la H-37e heure d'une émission qui s'appelle Tokyo Mental, sur Radio Pulsar, à Poitiers et ses environs, sur 95.9 MHz. Je suis votre narrateur pour les 60 prochaines minutes. Ce soir encore, nous allons plonger dans le réseau neuronal qui forme mon univers intérieur, à la poursuite d'une boule de poils électrique longue, avec des oreilles, vers cette cité imaginaire qui s'appelle Tokyo Mental.

Radio Pulsar. We'll be right back. ガチャマンの歌ご存知でしょうか。 は？ガチャマンですか。ああ、わかりますけど。 教えていただけないでしょうか。 ああ、はい。飛び出せば花くんと祭りだ飛べ飛べ飛べガッチャマン行け行け行けガッチャマン 地球は一つ地球は一つ。おーガッチャマン、ガッチャマン。 どうぞ。 すごい、完璧です。 弟が好きだったから、私も一緒に見てて。 思い切って聞いてみてよかった。もう気になって気になってぐるぐる頭の中100万回以上リピートですよ。 Catch a man. SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM SRATM あ、あるよね。 逆に、うん、今食べたくないの浮かぶんだけどね。 あ、そうなんだ。ちなみに何？ エゴネリ。 ん？エゴネリ？ うん。エゴネリだけは食べたくないかも。 エゴネリって何？ 新潟の郷土料理。 あ、そうなんだ。 あ、今エゴネリの口じゃないんだよね。 まあ、別に俺もエゴネリの口ではないけどね。 じゃあ、ご飯はエゴネリ以外で決まりだね。 結果、決まってないんだよね。閉めたい食べたい旅タイムホテルタイム買い食いタイム寝るタイム。この間面白い映画見てさ、洋画なんだけどね。 いつ？ 先週の土曜。 あ、そうなんだ、うん、どこの映画館？ え？何時？卒業旅行？ 何時の回？ あの夕方。 え、じゃあ見終わったとご飯食べたの？ まあ食べたね。 何食べたの？ ラーメン。 あ、いいね。どこの店？ あのこの前行ったカフェの向かいの。 あーそこね、あそこ美味しいよね。 美味しいよね。でね、旅先のホテル だ。何ラーメン食 べたの？煮卵ラーメン。 絶対煮卵ラーメン、私も絶対それ美味しいよね。 ねえねえねえねえ、あれ映画とかあんま興味ないんだ。 まったく。 朝タイム、風呂タイム、眠タイム、昼寝タイム、タイム、旅タイム、ホテルタイム。何してる時が一番幸せ？ 寝てる時かな。 あ、そうなんだ。 あ、でもお風呂もしてがたい。 あ、お風呂ね。 どっちかな。あ、でもさ、うん、たまにお風呂で寝ちゃいそうになるな。 なるね。 ってことは寝る方が上なのかも。逆はないから。 あ、じゃあ寝る。 あ、そう考えると、うん、お風呂で寝そうになってる時が一番幸せってことか。 まあ1位と2位同時にやってるからね。 ね、うん、ハンバーグカレーみたいなことだよね。 そうね。お風呂で寝るのあんま良くないけど。 あ、待って、 ん、 旅行だ。 旅行？ うん、うん、旅行が好き。てか旅行が一番。 まあ寝るのとお風呂も含まれてるしね。 ってことは旅先のホテルのお風呂でうとうとしてる時が最強ってことだ。 ハンバーグカレーにチーズ乗せたみたいな。 待って、やっぱケーキバイキング。 え？ ケーキバイキングが一番幸せ。 急浮上してきた。じゃあ旅先でお風呂に入った後ケーキバイキングでうとうとしてる時が最強ってこと。 それはやだ。 あなたを見つけたこと、運命に感じていたよ。さらに言えば、私はあなたを、あなたが思う以上に大好きで、好きで、好きで、好きで、今、とても辛いのです。恋をしたから、空が寂しく思えた。恋をしたから、明日が少し怖かった。恋をしたから、恋をしたから、覚めないでほしい夢も見たわ。一人歩く影に、あなたを求めた。寂しさも苦しさも、恋しさも愛しさもすべて、恋をしたから、恋をしたから、忘れられないものなどなくて、譲りきれない思い出ばかりで、当たり前なんてものはなくて、いつか失うこともあるわけで。 サプリメントであるこのアクセラはナノメカニズムによって体内にて固有の周波数の振動を発信し、ある特定のトロプトの分泌を促します。そのホルモンが分泌されますと、人間の意識の中の時間の感覚が影響を受け、意識が加速したようになると言われています。意識だけでなく、確かに脳の働きも活性化されまして、演算機能が倍から最大12倍まで高くなるようです。このナノメカニズム自体は消化液で一昼夜にてほぼ消滅します。その影響力は Be free 道なき道を行け、始まりに戸惑いはつきものです。 僕たちも一生なんです。なんて言っちゃ だってマジクソみてえに腐ってる、yeah. 待ち焦がれていた街は荒波に漂ったゴミだ。現実前身も蓋もないし未来なんて元も子もないね、yeah. 曖昧で半端なもそうかなんとなく大人になって困った。我慢したっていつもギリギリだ。それならいっそ死んだ方がマスター。東京イリュージョン稼ぎ煙もただ溶けてゆく。東京イリュージョン稼ぎなんてなくてもステイゴール。今も書き続けるマイライフソング。無駄な成功よりも眠らない街で夢を見るんだ。 Oh yeah バカ騒ぎして Work this way。 今もまた止まらずに描くノンフィクション。誰もノーリアクション。今はそれで ジオプルさん。 Tokyo Mental prend fin dans quelques minutes. Si vous êtes passé par là et que vous êtes resté, bah merci. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tokyo Mental, c'est tous les vendredis soirs, de 21h à 22h, et sur le web, à l'adresse radio-pulsar.org/Tokyo Mental avec un E. A plus!